mic à l'improviste, y'a v'là la motive, ça claque d'office, sans qu'il y ait le cupiste, les pas se faufilent, on parle de nos vies, y'a pas de novice, dis pas de sottise, y'a pas de motif, la MSD 9, jeune qui braque à la scène, j'suis l'esclave de ma zik, donc c'est pour ça que j'fais du rap à la chaîne, j'ai pas de liquide sauf dans ma tête, bouge, tape des cuites, ça, ça dégoûte, j'ai un tas de sky ou votre carré de boule, braque le mic si tu restes debout, j'ai des boules, des terres et des cœurs, j'ai des vers semaines, car il faut que ça saigne, beaucoup deviennent fâchés, car pour s'en sortir, faut avoir de la veine, au bord du précipice, ce monde me pousse, allô, mais c'est fils, j'suis en détresse, car j'manque d'adresse, comme un sodomicide fils, paraît que j'suis pessimiste, mais à ma place, qu'est-ce que tu ferais, j'suis plus fan des bijoux, depuis que les keufs m'ont passé les bracelets, me parle pas de misère, la seule la vraie se trouve au fond des squats. J'ai jamais vu l'ombre d'un doute sans une lueur d'espoir. Dans toute cette histoire, fais donc bien gaffe à ce que la vie t'enseigne. C'est pour ça que je suis venu te parler de moi, ou du moins de ce qu'il en reste. Ouais, à la rapiata. C'est ça ma gueule. L'époque de l'enfance passée, combien de vies se ternissent. On est bloqué dans l'impasse avec une grisaille qui s'éternise. Poursuivi incessamment par le vice et la poisse. J'ai visé la paix, je vois que peu de gens sont fidèles à ça. Je révise ma page au chapitre valeurs humaines. Je vois ces énergumènes qui ne contrôlent pas leurs humeurs. Trop de bâtards et je serai jamais sous leur tutelle. Que je vois qu'il y en a qui cannent pendant que chez l'autre c'est leur duté. On a passé l'âge du vice mais l'impasse hélas nous confronte à nos passés. Elle nous empêche de penser large. La plainte s'est banalisée, les gens sont tous fans. On pense qu'à sa personne, le malheur des autres, on s'en fout de ça. Comme des rats, on a foncé dans une impasse. Combien à Péra et dans cette foule, quelques impasses. Dans toutes les directions, l'envie que mon son s'exporte. Si je veux, je baisse le pantalon, les DA se mettent un sextoy. Pourquoi je dis ça? Moi, je suis qui si ce n'est personne. Sacrofe microclimat, t'écouteras si ce mec perd fort. Le vase déborde devant ton nez, on ferme les portes. J'amène les forces, au whisky, je me baisse les cordes. Ouais, c'est infâme, c'est pas dit que la suite j'aimerais. Il dresse une impasse, n'oublie pas que le système piège. Pourquoi c'est tout naze? Est-ce que cette vie, je la digérerais? Foncez tête. Bah c'est tout moi, c'est ça quand je m'active les frères. Coincé dans un cul-de-sac, normal ce son s'appelle l'impasse. Rituel triple menace, soir ce on vient braquer ton poste. Dans l'under on s'essouffle, mais sur le terrain on se fait la passe. C'est le bourbier, c'est sûr, à croire que la merde c'est ce qui m'appâte. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, faut que je remplisse la tirelire. Écoute le kick, tranquille la rime, on remplit l'artillerie. C'est short que des trucs sombres, normal je dégage mon intérieur. Je vais zapper l'autodestruction ainsi que le goût pour le matériel. Génération sur bête, mais à chaque fois on perd ce qu'on mise. Nouveau costume, je les emmerde, pourri comme Berlusconi. À vous on fonce dans le mur, on a même plus peur de se cogner. On fait du tort à nos mères, moi et la honte on se connaît. Miros, 11 connexions, à la rabiata, putain d'impasse. Ma vie est une impasse, au scénar triste à la de Parma. Ici les choses se passent mais ne font pas rire comme Pierre Parmal. Faut pas dire que je suis positif et que chaque jour j'en vois pas mal. Je sais qu'on finit tous ensemble comme un paquet de Parmal. Mais au final, faut qu'on s'en sorte. Arrêter de s'apitoyer sur son sort. Niquer tous les censeurs pour enfin s'ouvrir les portes. Agir pour faire en sorte que demain mieux on se portera. Si pour le bonheur faut signer, apporte-moi le contrat. Pas discours taille, trompe pas. Quand la vie te braque, prend pas. J'ai vu des frères lâcher des larmes mais jamais baisser les armes. Souvent le vice te charme et c'est là commence le drame, donc fais le bon choix, sinon tu calmes.